Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1. On nous annonçait hier, peut-être l'avez-vous entendu, l'intronisation du docteur Armand Frappier au Temple de la renommée médicale du Canada. Donc chaque année, depuis 1994, cet organisme désigne quelques lauréats pour reconnaître la portée de leur travail scientifique. Cette année, c'est le docteur Armand Frappier qui fait partie de ces lauréats. Alors Armand Frappier n'est plus de ce monde, il est décédé en 1991, mais il a laissé tout un héritage et des chercheurs continuent de bâtir des projets de recherche sur cet héritage. Et c'est le cas de Marie-Claude Rousseau, qui est professeure-chercheure à l'Institut Armand Frappier. Bonjour Madame Rousseau. Bonjour. Alors, dans un premier temps, s'il vous plaît, j'aimerais que vous nous rappeliez un petit peu à notre mémoire qui était Armand Frappier. Pour beaucoup d'entre nous, c'est peut-être un institut, mais c'est quelqu'un d'autre quand même. Absolument. Je pense qu'il faut reconnaître Armand Frappier comme vraiment un pionnier dans la lutte aux maladies infectieuses et spécifiquement au niveau de la prévention de la tuberculose. Comme vous l'avez dit, il est décédé en 91. Il est né en 1904. Au cours des années 20, il perd plusieurs membres de sa famille, spécifiquement sa mère, à la tuberculose, et il a décidé à partir de ce moment-là de dédier sa vie à la prévention de cette maladie. Donc, il est médecin. Il s'en va étudier en microbiologie dans l'État de New York et ensuite à l'Institut Pasteur à Paris avec les découvreurs du vaccin BCG, les docteurs Calmette et Guérin. Et puis ensuite, il revient à Montréal dans les années 30 avec la souche du BCG et avec l'expertise pour pouvoir produire ce vaccin-là, s'assurer de sa sécurité, de son innocuité quand on le donne à la population. Et il va être responsable de la grande campagne de vaccination pour prévenir la tuberculose qui a été menée dans les années 50, 60 et la première moitié des années 70 à la grandeur de la province du Québec. D'accord. Donc, c'est à lui qu'on doit cette prévention de la tuberculose au Québec, finalement. Oui, d'accord. Tout à fait. D'accord. Et donc, quel est cet héritage dont on parle? En fait, c'est intéressant parce que quand on regarde les écrits qu'il nous a laissés, on s'aperçoit qu'il a lui-même hérité d'un mini-registre de vaccination du docteur Baudouin qui l'avait précédé dans ce domaine-là au niveau de la province de Québec. Donc, il a hérité un peu des informations qui avaient été consignées concernant le vaccin qui avait été donné à des fins expérimentales jusqu'à ce moment-là. Un autre vaccin sur la tuberculose aussi? En fait, c'était le même vaccin BCG, mais on en était avant tout là à des tests qu'on faisait pour s'assurer que c'était bien sécuritaire tout ça de l'administrer. Et à ce moment-là, lui décide que, bon, un registre de vaccination, que c'est très important, qu'il faut consigner cette information-là. Il modernise le fichier, il s'assure qu'il soit bien conservé et que, justement, pendant toutes les années du programme de vaccination, on y consigne toutes les vaccinations qui sont faites dans la province de Québec. Et par la suite, ce fichier-là est resté là, disponible, en version papier qu'on pouvait consulter. Et il y a seulement quelques années, avec mon équipe de recherche, on a été capable d'obtenir une subvention pour informatiser toute cette information-là, ce qui fait en sorte que maintenant, on peut l'utiliser pour des études de grande envergure, donc qui couvrent une grande partie de la population. Mais ça doit faire des milliers de données, ça, si ce programme de vaccination a duré, 10 ou 20 ou peut-être plus années, là, ça fait des milliers de données? Tout à fait. En fait, plus que oui, on a dans le registre de vaccination, on a au-delà de 4 millions d'événements de vaccination qui sont consignés, qui couvrent la période du programme de vaccination, mais aussi une période avant et une période après. Là, on parle des années 20 jusqu'aux années 90 pour la province de Québec. Donc, c'est vraiment, c'est une quantité d'informations vraiment, vraiment impressionnante. Ouais. Mais donc, ces données, finalement, couvrent une période, ça va jusqu'à 90, mais ça va donc au-delà de 30 ou 40 années. En quoi ça peut être des données intéressantes pour aujourd'hui? En fait, on s'aperçoit, puis je pense pas que qu'il y a 20 ans, on aurait pu d'emblée penser nécessairement à ces questions de recherche-là, mais à la fin des années 90, il y a différentes études qui ont été publiées dans différents pays dans le monde où les gens étudiaient un lien possible entre le fait d'avoir reçu le vaccin BCG et le développement de l'asthme. Mm-hmm. Il y a environ une vingtaine d'études qui ont été menées depuis la fin des années 90. On retrouve des résultats, bon, trois de ces études-là suggéraient justement un effet protecteur, donc moins d'asthme chez les enfants qui avaient reçu le vaccin BCG, alors qu'un peu plus qu'une quinzaine d'études permettait pas d'avoir des conclusions fiables. En général, les études étaient de petite taille, donc les résultats au point de vue statistique là permettaient pas vraiment de conclure dans un sens ou dans l'autre. Donc, à ce moment-là, en voyant ça, ces enquêtes-là qui ont été menées dans différents pays, nous, on s'est rendu compte qu'ici, on avait une mine d'or d'informations à partir du registre. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé, avec mon équipe de recherche, de poser cette question-là de la vaccination BCG et d'un lien avec l'asthme dans la population québécoise. D'accord. Ben avant d'aller plus loin avec cette étude-là, je voudrais savoir, est-ce que c'était inattendu ou est-ce qu'on finalement on a une idée de quel lien il pourrait y avoir entre la vaccination contre la tuberculose et l'asthme, parce que ça semble deux choses quand même assez séparées, assez distinctes? Oui, effectivement, ça paraît des phénomènes quand même assez distincts. On a des informations qui nous proviennent d'études en laboratoire. On sait que, bon, pour la majorité des vaccins, le vaccin va amener une production d'anticorps qui sont dirigés spécifiquement contre le virus ou la bactérie qui est visée par ce vaccin-là. Ouais. Dans le cas du BCG, les études en laboratoire nous indiquent que le vaccin déclenche une réponse immunitaire qui est plus générale. C'est ce qu'on appelle la réponse immunitaire cellulaire. Donc, va pas mener à la production d'anticorps, mais va déclencher une réponse immunitaire qui est moins spécifique, si on veut. Et le vaccin BCG a aussi comme résultat de diminuer les processus de la réponse immunitaire qui sont impliqués dans le développement de l'asthme. Et là, on parle de spécifiquement l'aspect d'une réponse exagérée par les anticorps. Donc, c'est par le mode de fonctionnement du vaccin qu'on a tout d'abord eu un petit peu des pistes à savoir, ben, peut-être qu'il pourrait y avoir un effet positif par rapport à l'asthme. D'accord. Donc, c'est pas entièrement aberrant qu'il y ait des études qui aient constaté un lien, en tout cas, quelques liens entre la vaccination puis l'asthme. Non. Ouais, c'est pas quand on regarde les résultats en laboratoire, ce sont des processus qui sont très complexes et difficiles à expliquer, mais par contre, ça se tient. Là. Il y a quand même il y a une explication au niveau moléculaire, au niveau de la réponse immunitaire qui peut expliquer ce lien-là. D'accord. Donc, si on en revient à ces registres, finalement, vous avez des registres probablement qui vous disent quand les gens ont été vaccinés, mais comment c'est contre la tuberculose. Mais donc, comment ces registres peuvent vous permettre de faire un lien avec l'asthme, par exemple, dans les registres? Est-ce qu'il était aussi mentionné que ces gens étaient asthmatiques? Comment vous pouvez utiliser ces registres, finalement? Non, c'est ça, exactement. Les registres en soi, tout seuls, ne font que nous dire qu'une personne a été vaccinée, à quel moment de sa vie cette personne-là a été vaccinée. Ils ne font pas nécessairement le lien avec l'information médicale. Donc, notre stratégie pour pouvoir répondre à notre question de recherche, ça a été de faire un croisement entre l'information du registre de vaccination BCG et d'autres sources de données qu'on a dans la province de Québec, dont un croisement avec les données de la Régie d'assurance maladie du Québec et des données du registre des naissances du Québec. Et ça, c'est l'Institut de la Statistique. C'est un projet qu'on fait en partenariat avec l'Institut de la Statistique du Québec. Donc, c'est les analystes de l'Institut de la Statistique du Québec qui ont fait les croisements entre les différentes bases de données. Et nous, au bout du compte, ce qu'on a, c'est une base de données dans laquelle on a les informations concernant la vaccination BCG, si les gens ont été vaccinés ou pas, et si les gens ont eu recours aux services de santé pour des consultations médicales, hospitalisation, visite à l'urgence avec cause d'asthme. Donc, on peut déterminer de cette façon-là si les gens sont à considérer comme étant des personnes asthmatiques ou pas. Oui. Et donc, vous avez dû compiler peut-être quelques milliers de données, je ne sais pas. Et quelles conclusions en tirez-vous? Est-ce que vous avez pu trancher? Est-ce qu'il y a un effet protecteur ou néfaste du vaccin? En fait, on est encore à effectuer les analyses pour cette étude-là. On a notre étude est quand même d'une très bonne envergure. Là, on parle d'environ 80 000 personnes qui sont incluses dans cette étude-là. Donc, avec cette étude-là, on a plus de sujets que toutes les études qui se sont penchées sur la question jusqu'à maintenant mises ensemble. Donc, on pense qu'au niveau de la taille de l'échantillon, on aura une très bonne capacité de répondre à la question. Nos analyses préliminaires vont dans le sens d'un effet protecteur. Par contre, il nous reste encore plusieurs étapes d'analyse à passer, donc ce ne sont pas nos conclusions finales. On poursuit le travail pour cette étude-là. On devrait avoir nos conclusions finales durant peut-être l'année prochaine ou dans un an et demi environ. Donc, on va attendre pour en savoir davantage là-dessus, mais en attendant, on peut quand même se poser la question si c'est nécessaire de savoir s'il y a un lien entre ce vaccin et puis le développement de l'asthme, parce que finalement, est-ce qu'on vaccine encore beaucoup contre la tuberculose? En fait, présentement au Québec, bon, on l'a dit tantôt, le programme a été interrompu au milieu des années 70. Maintenant, ceux qui reçoivent ce vaccin-là sont plutôt des gens qui travaillent dans le domaine médical, bon, qui sont dans des situations bien spécifiques où on pense qu'ils pourraient être plus à risque. Par contre, il y a deux aspects. Le vaccin BCG est encore donné dans plusieurs pays dans le monde, entre autres dans les pays en voie de développement. Et aussi, nos résultats vont pouvoir nous permettre de déterminer si le vaccin pourrait avoir contribué à prévenir l'asthme dans notre population. Puis à ce moment-là, je pense que c'est des informations qui sont pertinentes à avoir et qui peuvent ensuite être utilisées pour une meilleure compréhension puis pour une meilleure prévention. De l'asthme? Une meilleure prévention de l'asthme? Oui, ça veut dire qu'éventuellement, on pourrait tirer de ces résultats-là peut-être des éléments qui permettraient de voir un traitement de l'asthme ou de comprendre le mécanisme, du moins, puis de voir un traitement de l'asthme? Je pense qu'en fait, c'est ça. Ce qu'on fait par notre projet, c'est qu'on va contribuer à une meilleure compréhension des phénomènes qui peuvent être impliqués dans le développement de l'asthme. Si nos résultats sont dans le sens d'un effet protecteur amené par ce vaccin-là, je pense que ça pourra stimuler des gens aussi à aller voir plus en profondeur, bon, qu'est-ce qui se passe exactement et comment cette connaissance-là pourrait être appliquée soit pour tenter de prévenir l'asthme ou pour tenter de traiter l'asthme. Okay. C'est à plus long terme, mais c'est une partie de connaissance qu'on contribue pour aider au développement éventuel et à la prévention éventuelle, oui. Ben, je pense qu'on va attendre encore donc l'année prochaine, le courant de l'année prochaine, pour en savoir plus, donc pour savoir si toutes ces données, ces milliers de données que vous compilez tendent vers un effet protecteur ou confirment l'effet protecteur que vous avez peut-être observé. Et on va vous laisser continuer d'examiner toutes ces données et on aura peut-être l'occasion de se reparler donc l'année prochaine. Oui, merci beaucoup, ça me fera plaisir. D'accord. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci, au revoir. Bon, merci beaucoup, Madame Rousseau. Je rappelle que vous êtes donc professeure, chercheur à l'Institut Armand Frappier. Et quant à nous, maintenant, on va faire une petite pause musicale sur CKRL au 89.1. Ensuite, on vous revient avec quelques actualités astronomiques.